Chapitre 15e. La lumière montre l'ombre et la vérité le mystère. Aurelius Ambrosius. Le combat avait été d'une soudaineté et d'une violence inouïe, me raconta plus tard Iacte. Pour ma part, je ne me souviens de rien, sinon de cette sensation que personne dans la foule qui nous entourait n'avait semblé se rendre compte de la courte et pourtant si considérable lutte. À l'issue de l'attaque, la créature qui nous avait assaillis s'était volatilisée, comme un ballon qui éclate. Iacte avait fait le geste de m'envelopper de son manteau en le lançant sur ma tête juste au moment où elle avait senti l'issue de l'affrontement. Heureusement que j'eus les bras et les mains brûlés par des étincelles incandescentes projetées au moment de la disparition du monstre. Il avait été si proche de moi que mon visage aurait sans doute été sévèrement brûlé sans le geste de Iacte. Ce fut ce manteau jeté sous mon visage qui m'impressionna le plus, probablement parce que tu lis aussi ce rebella. À l'issue du combat, qui pourtant n'avait duré que quelques secondes, une immense faiblesse m'envahit peu à peu. « Fort heureusement, vous ne faites pas seulement un bon caviar, noble Elgara. Votre premier combat fut exemplaire. » J'eus peine à sourire, mais elle comprit à mon rictus que j'avais entendu sa remarque. Elle regarda autour de nous. Un nuage noir d'une forme étrange était presque au-dessus de nous. « Il revient. Nous n'avons plus de temps. Pouvez-vous marcher jusqu'à cette porte ?» Je répondis d'un vague signe de la main. Aussitôt, ma tête se mit à bourdonner comme si 1000 cloches la remplissaient. Soutenu par la jeune Drachnite, je me traînai douloureusement jusqu'à la porte de la taverne. Iacte l'ouvrit d'un coup de pied, dévala en me portant presque les quelques marches qui descendaient abruptement. Elle me laissa choir sur un banc sur lequel je m'affalais misérablement. J'eus la brève vision d'une ombre gigantesque qui occupait le pas de la porte, tandis que la jeune Drachnite levait au-dessus de sa tête un talisman qui se mit à briller. La porte se referma instantanément avec une série de cliquetis secs. Il me sembla même que la taverne s'enfonçait dans le sol tellement celui-ci se mit à trembler. Iacte me secoua vivement. « Il faut boire, » lança-t-elle. « Beaucoup. » Elle me fit ingurgiter de l'eau qu'elle tira de la gourde accrochée à sa ceinture. Je me rendis compte à ce moment-là qu'elle-même avait été légèrement blessée au visage et sur les bras. Mes yeux se remplirent de larmes et j'eus la force de murmurer. « Il fallait vous protéger. Il ne fallait pas me couvrir de votre manteau. » Elle me sourit et je remarquai pour la première fois la fossette sur sa joue, couverte de sillons de brûlure. Rassurée par mon état, elle but une gorgée d'eau, puis alluma une capsule lumineuse qui se trouvait suspendue au milieu de la pièce. Aussitôt la salle s'illumina. Nous étions sous une haute voûte annulaire. Les berceaux magnifiquement sculptés étaient ornés de couleurs flamboyantes. Soutenus par des arcades circulaires constellées de pierres de toutes les couleurs, ils offraient une vision de magnificence somptueuse. Au centre de l'abside se trouvait une magnifique vasque ronde de porphyre turquoise. Soudain je réalisai que nous étions seuls, non pas dans une taverne, mais dans un mystérieux sanctuaire. On entendait un bruit de vagues, comme si l'océan était juste sous nos pieds. Il était là, en effet. Le sol de granit était perforé à intervalles très rapprochés d'innombrables orifices qui faisaient ainsi communiquer le monde sous-marin et le monde terrestre. Iacte capta mon regard. « Nous sommes en sécurité ici. Les vibrations des ophnites et des atlantes sont trop fortes pour que l'ombre nous atteigne. » Elle rajouta « Attendons ici. » Puis, elle alla remplir sa gourde à une des nombreuses fontaines qui jaillissaient au fond de la pièce, et, prenant la mienne, en fit de même. La fatigue que j'avais ressentie à l'issue du combat laissait peu à peu la place à un abattement fiévreux. Je détachai malhabilement mon collier et voulus me lever pour le mettre sous l'eau, mais je trébuchais. Iacte, sans maudire, le prit et alla le mettre sous l'eau un long moment. Dès que je remis le bijou, une sensation de calme et de bien-être s'empara peu à peu de moi. Je pensai soudain à mon ami Anémone. Aussitôt une vision d'eau arriva à mon esprit, et comme je tentais maladroitement de sortir la petite bourse d'algues de mon havresac, je fondis bêtement en larmes à la pensée qu'elle soit brûlée ou blessée. Iacte prit délicatement la bourse et la porta près de la fontaine centrale où elle la posa. L'anémone lentement se glissa hors de son abri et se laissa tomber dans l'eau de la vasque de porphyre qui luisait d'un éclat irréel. À ce moment-là, on entendit un bruit sourd contre la porte, comme un objet propulsé de loin. Yacht, assis sur la marge de granit d'une des fontaines, ne bougea pas. « Il sait que nous sommes en sécurité ici, et les innommables sont des êtres de haine et de colère. Il n'arrêtera pas tant que vous serez ici. » Elle se tourna vers moi et ajouta « Le grand roi viendra nous chercher pour aller sur les terres des dragons. Là, vous apprendrez à les connaître et vous ne serez plus en danger. » Puis, ramassant son épée et remettant doucement l'anémone dans le sachet d'algues qu'elle avait plongé dans l'eau, elle me l'apporta. Doucement, du fond de son nid d'algues, mon ami aquatique étira ses fines membranes et les enroula autour de mon poignet et tel un petit chaton sembla s'endormir apaisé. Comme je ne pus m'empêcher de grimacer en bougeant mon épaule endolorie, Yak sortit une mince fiole d'une de ses poches et me demanda de lui montrer ma blessure. Je réalisai soudain qu'une large tache de sang imprégnait mon manteau. Délicatement, la jeune drachnide versa quelques gouttes sur la blessure brûlante et la douleur s'atténua lentement. Ce puissant baume de mille pertuis atténuera la douleur. Cependant, son effet ne durera pas. Cela nous permettra seulement d'attendre le roi et les drachniques qui arriveront après. Bientôt, en elfini, est un mot qui n'existe pas. On emploie l'expression « après » sans affirmation temporelle. Quand arriverait cet « après » ? Je ne sais combien de temps s'écoula dans la somptuosité de notre refuge avant que les coups hargneux diminuent. Peu à peu, une torpeur fébrile et inquiète m'envahissait. Yacht, de temps en temps, me forçait à boire de l'eau, puis je retournais malgré moi dans ce demi-sommeil enfiévré. Le soir arriva, puis la nuit de la nuit. J'admirais le courage et le calme de la jeune guerrière qui ne montrait aucun signe de fatigue ni de nervosité. De temps en temps, elle m'apportait à boire. Vers le milieu de la nuit, les coups reprirent de plus belle. Ils devinrent assourdissants, comme si des canons tiraient à bout portant. Je me levai soudain, je ne sais pourquoi ni comment, qu'on m'appelait par une force incommensurable vers la porte. Yak calmement se mit à dos à l'un des chambranles de la porte que l'on sentait frémir, et barrant l'entrée se mit à fourmir son épée avec un soin méticuleux. « Savez-vous de quoi se nourrissent les innommables ?» La force qui m'attirait ne relâcha pas sa prise. Yak, tenant son épée dentelle pour en admirer le fil droit et coupant comme un rasoir, me faisait face à présent, le bout de son épée presque sur mon menton. Nos peurs sont leurs forces, uniquement nos peurs. C'est tellement simple, n'est-ce pas? Elle toucha mon torse avec le bout de son épée. Préférez-vous la peur ou la mort? Lentement, les mots faisaient leur chemin dans mon esprit. La vision de la reine Odeline surgit en moi, puis celle de ce chevalier occitan, si proche et pourtant si lointain, qui m'avait légué cet héritage mystérieux. La prise se relâcha avec une telle violence que soudainement je trébuchais. Hébété, je pus m'asseoir sur la margelle de la fontaine. Yacht abaissa son épée mais resta aux aguets. « Vous êtes courageuse pour une humaine. »« Je ne crois pas, sinon je ne serais pas dans cet état, » répondis-je. « Vous êtes courageuse et vous faites un bon caviar, » ajouta-t-elle facétieuse. Que savez-vous faire d'autre? Je compris que la jeune drachnite voulait parler afin de ne pas rester sous l'emprise de ses attaques sordides. Je me mis au diapason de sa vaillante jovialité. Peu de choses. Laissez-moi réfléchir. Je sais faire le fruit-flarn. La saveur en est un peu bizarre, paraît-il, mais on m'en fit maintes fois des compliments. Notre ami Ilfgur le trouve délicieux, quoique... Je reconnais qu'en matière gustative, ce ne serait pas une référence. Cependant, le guerrier Minia, fort avare de compliments, m'en a fait plusieurs à ce propos. Assurément, Minia est une bonne référence, dit-elle en souriant. Et vous, noble dame? Moi? Elle haussa les sourcils et cessa un instant de lustrer la garde de son épée, me regardant prise de court par cette question. Oui, vous? Qu'aimez-vous faire lorsque vous ne combattez pas d'étranges créatures? Yak appuya la tête sur le chambranle et méditativement ferma les paupières. À ce moment-là, une déflagration sembla emplir toute la crypte. Sans ouvrir les yeux, la jeune drachnite répondit en caressant la garde de son épée, ombrière, rassurante, la calcédoine bleue. La forge. J'aime l'odeur du feu et le rougeoiement du métal. juste avant que le forgeron ne le mette sur l'enclume. « Je suis un piètre forgeur, cependant, car je n'ai de patience ni pour le feu ni pour l'enclume. » Un autre éclat sonore vint couvrir la fin de sa phrase. J'eus la force de me lever et de mettre mon collier quelques secondes dans l'eau. Mon ami Anémone en profita pour sauter dans la fontaine en m'éclaboussant de ses longues tentacules, puis elle sauta directement dans ma main, dans un jaillissement mouillé, et se remit à sommeiller. Je me retournai vers Yacht et lui proposai de remplir sa gourde. Il quitta son poste et me la confia. Nous continuâmes ainsi, parlant de tout, et surtout de ces petits riens qui font la vie quotidienne. De temps en temps une secousse nous interrompait, mais nous reprenions notre conversation. Nous en arrivâmes même à parler de subtilité de vocabulaire et de généalogie. Soudain, un grand calme se fit, un de ces calmes cycloniques qui font présager le pire. En effet, on entendit soudain comme une gigantesque tornade, l'eau sous nos pieds sembla jaillir de chaque interstice, des vasques de chaque fontaine. Yacht eut un large sourire et, remettant son épée au fourreau, lança un tranquille « Les voilà !» D'un seul coup, tout se calma. Dans ce silence oppressant, on entendit comme un grognement venant de derrière une fontaine. Yacht, déjà prête, appuya rapidement sur un mécanisme invisible dans un des linteaux de la porte. Du fond de la crypte, une porte que je n'avais pas vue, pivota en silence et finalement découvrit un large espace. Elle me fit signe de la suivre. L'espace qui était derrière la porte était un péristyle encerclant une immense cour ronde surmontée d'un dôme transparent dont la verrière était faite de magnifiques mosaïques en vitrail multicolore. Dehors, le soleil du milieu du matin était presque à son apogée et faisait resplendir les vitraux. En face de nous, à l'extrémité de la cour, émergeant des riches portiques, une haute tour s'élevait légèrement au-dessus de la coupole pourtant haute. Yacht se précipita vers la volée de marche, plus gauchement je la suivis. En haut de l'édifice, la vue s'étendait sur des lieux à la ronde. Tout était calme, paisible. Quelques nuages clairs effilochaient le ciel d'une vapeur opaque. Au-dessus, semblant nager dans l'air, une nuée d'immenses créatures planait en chevron au-dessus de la ville. Un long sifflement se fit entendre, doux et pourtant perçant. Une à une, les créatures semblèrent se volatiliser dans les airs. Lorsque nous descendîmes, le roi Imrold et Svarine étaient au milieu de la cour.